Rose et Cola. Il y avait près de 15 jours que les deux boîtes voisinaient à l'étalage de Moustachol, le marchand. Rien qu'à les voir, les enfants qui, chaque après-midi, après la classe, s'arrêtaient, leurs calepins sur le dos et les mains dans les poches, devant les merveilles de la vitrine, se sentaient envahis par d'extraordinaires conjectures. C'est qu'en effet, les deux boîtes, avec leurs vives couleurs et leur petit monde de bêtes et de gens, ne flattaient pas seulement les yeux, mais éveillaient encore mille pensées dans l'esprit. Tout d'abord, il semblait que Moustachol, en les rapprochant l'une de l'autre, avait obéi au désir de rendre sensible le contraste qui existait entre chacune d'elles. D'une part, dans la plus vaste des deux boîtes, régnait l'abondance la plus large. C'était la visible image d'un train de grande ferme. Vous savez, de ces grandes fermes où les vaches, les chevaux, les poules et les oies, en meuglant, hennissant, caquetant et gloussant, ont l'air de trompeter la richesse des maîtres. Dans l'autre, au contraire, le bétail et la basse-cour, moins abondants, faisaient naître la pensée d'une vie plus précaire, en un combat toujours recommencé de la terre avec l'homme. Peut-être, après tout, Moustachol n'était-il pour rien dans cette rencontre, mais seulement l'artiste qui, plein de malice, s'était amusé à montrer en deux tableaux si différents de l'existence pastorale l'inégalité des choses humaines. Ou bien encore, on pouvait supposer que le hasard seul, en les mettant à côté l'un de l'autre, s'était chargé de démontrer une fois de plus que, chez les jouets comme chez les hommes, quelques-uns possèdent tout, quand les autres ont à peine le nécessaire pour vivre. Cependant, à la longue, la balance se rétablit souvent. À force de sagesse et d'économie, les déshérités de la fortune parviennent à s'assurer un peu du bien-être que les riches, dans leur imprévoyance, ne savent pas toujours conserver. Vous le verrez bien par cette histoire. Il y avait, à la vérité, une différence radicale entre les deux boîtes. L'une et l'autre tenaient le milieu entre la bergerie et la métairie. Au besoin même, on aurait pu les considérer comme un habile mélange des éléments qui, généralement, composent le parc à moutons, à savoir le berger et la bergère porteurs de houlettes, les petits bedeaux enrubannés d'une faveur au cou, les barrières rouges ou jaunes entre lesquelles les bêtes sont parquées, et la ferme proprement dite, reconnaissable à son corps de logis, percé de nombreuses fenêtres, à ses troupeaux de vaches, de porcs et de chèvres, enfin à ses trois ou quatre bâtiments complémentaires, étables et écuries. Mais tandis que la plus grande des deux boîtes montrait à profusion toutes ces choses réunies, l'autre n'en offrait qu'un choix singulièrement réduit. En outre, les animaux de la grande boîte, fabriqués en carton-pâte, avec de belles robes luisantes de toutes les couleurs, ne laissaient pas de doute sur l'excellence de la pâture qu'ils broutaient. Les animaux de la petite boîte, au contraire, simplement taillés dans le bois, étaient peints à peu près uniformément en rouge, en blanc, en jaune et en noir, ce qui donnait à penser qu'ils étaient moins bien nourris. Et en effet, ceux-ci erraient dans de maigres pâturages, entre des files d'arbres qui répandaient une ombre pauvre, alors que ceux-là, librement, se jouaient à travers de magnifiques gazons de mousse, sous la verdure épaisse d'un bouquet d'arbres au feuillage frisé comme la toison des caniches. Enfin, l'inégalité des conditions se faisait sentir à la mine des personnages, grasse et rubiconde dans la riche métairie. terreuse et mélancolique dans la métairie pauvre. Et pour tout dire, l'une se vendait 15 francs, l'autre en coûtait 5 seulement. Dans les deux fermes, d'ailleurs, la famille se composait d'un égal nombre de personnes, le fermier, la fermière et leurs enfants. Bien entendu, il y avait aussi des domestiques, bergers et bergères, vachères et vachers, mais il n'était pas permis de se méprendre sur leur rang à cause de leurs vêtements, bien plus simples que chez leur maître. Puis ceux-ci avaient, par surcroît, dans le visage et le maintien, une assurance qui montrait tout de suite à qui on avait affaire. Ils marchaient la tête haute, regardant partout autour d'eux avec l'air du commandement, et pour indiquer leur supériorité, l'adroit ouvrier aussi les avait fait d'une taille plus élevée. Quant à dire l'âge des deux couples, rien n'était moins commode. En jugé par la pousse vigoureuse de leurs enfants, toutefois, il y avait beau temps qu'ils s'étaient unis devant monsieur le maire. Rose, la fille de la grande métairie, paraissait avoir 15 printemps. Cola, le fils de la petite, en comptait bien 20, pour le moins. Et ils étaient l'un et l'autre si bien pris de leur personne, elle blonde et couleur d'aurore, lui hâlée de peau et noire de cheveux, que les poupées avaient déclaré d'une seule voix que leurs parents auraient dû les marier ensemble. Or, les poupées ont toujours passé, non sans raison, pour fort expérimentées sur ce chapitre. Leur unique préoccupation consiste à regarder dans la vie du prochain, quelquefois pour en dire du bien, mais le plus souvent pour en médire. Et comme elles ont les yeux d'un émail très brillant, tout vient s'y réfléchir ainsi que dans des miroirs. Hélas! Peut-être Rose et Cola n'auraient-ils pas dit non si on leur avait offert de se mettre en ménage. Dès les premiers moments qu'ils s'étaient vus, ils avaient ressenti un penchant l'un pour l'autre. Plus d'une fois depuis, l'idée leur était venue qu'ils auraient voulu être frères et sœurs pour se voir à toute heure du jour. Et telle était leur simplesse qu'ils ne songeaient pas que la disproportion des fortunes pourrait jamais les empêcher de s'aimer. Mais leurs parents ne pensaient pas comme eux, et si Gros Claude, le père de Rose, n'avait qu'une considération très réservée pour Merluchet, le père de Cola, le jugeant indigne de frayer avec un homme aussi considérable que lui, Merluchet ne pouvait se défendre d'un sentiment d'envie à l'égard de ce voisin si abondamment favorisé par la fortune. Eux, les Merluchets, au contraire, n'arrivaient à joindre les deux bouts qu'en peinant du matin au soir. Dès que le coucou de l'horloge sonnait pour les jouets l'heure du réveil, le père se mettait à l'ouvrage. C'était une créature renfrognée et dure, gauchement découpée dans un coteret. Une grande barbe blanche lui descendait sur la poitrine et il portait, hiver comme été, un saillon rouge qui dessinait les trous de sa charpente osseuse. Un polichinelle méchant comme le sont toujours les polichinelles et dont les bosses renfermaient plus de malice encore que de son, avait beaucoup amusé la frivole compagnie des poupées en affirmant qu'il avait l'air d'un vieux loup. Ces demoiselles alors s'étaient mises à rire à l'unisson, trouvant le propos si drôle qu'elles l'avaient longuement répété entre elles dans le silence du magasin. Et tout au loin, derrière un moulin à vent ruiné et qui passait pour être hanté par l'esprit d'un diable, disparu de sa boîte à surprise on ne sait comment, une voix avait fait « Loup, ouh, ouh !» ce qui avait répandu la terreur parmi toutes ces têtes folles. Si les poupées avaient été plus sages, elles se seraient dit que l'âpre labeur de l'homme de la terre déforme le corps avant le temps et donne au visage un peu de la rudesse farouche des bêtes vivant au fond des bois. Le paysan qui, sous le soleil à plomb, les averses et les neiges, tourne et retourne son champ, afin d'en faire fructifier les entrailles souvent rebelles, accomplit une tâche sacrée, puisque de la réussite de ses efforts dépend l'alimentation de ces mêmes citadins, toujours disposés à se railler de sa lourdeur et de sa grossièreté, inévitable résultat de sa condition misérable. Mais qu'attendre de petites évaporées dont la cervelle à l'évent ne s'émeut que de chiffons? Aussi méconnaissait-elle la vaillance et la bonté qui se cachaient sous l'âpre écorce du vieux Merluchet. Lui, cependant, tout au gouvernement de sa métairie, n'avait souci que de surveiller ses domestiques, rentrer ses regains, remiser sa moisson, fendre à coups de bêche la terre pierreuse. Alors que les arlequins, les pantins, les polichinelles et les poupées dormaient encore à point fermé, le berger, un pitot fort réussi, à face de pleine lune, déjà menait paître ses ouailles entre les barrières. La vachère de son côté sortait ses vaches de l'étable, moins une qui s'obstinait à rester couchée. Et par les cours se répandait l'odeur du café que la mère Merluchet était en train de moudre dans sa cuisine, sans que, toutefois, personne lui eût jamais vu un moulin entre les genoux. À cette heure, les militaires seuls, les fantassins de bois et les cavaliers de plomb étaient éveillés dans le magasin. Un lapin blanc placé tout contre les volets et qui voyait se lever l'aurore avant les autres jouets était chargé de battre pour eux la diane sur son tambour. Et rien n'était comique comme la gravité avec laquelle il faisait aller ses baguettes dans un roulement qui ne prenait fin qu'après que toute la caserne était sur pied. Naturellement, Colas n'était pas le dernier à se mettre à l'ouvrage dans la ferme. Mais depuis quelque temps, la pensée de la jolie Rose le rendait un peu nonchalant. Et quelquefois, d'un mot bref, Merluchet, le père, était obligé de le tirer de ses rêveries. À ce moment matinal, un profond silence pesait encore sur la métairie des Gros Claude. Rien n'y bougeait, ni le chien de garde ronflant dans sa niche, ni les vaches paraissant sur leur litière, ni les domestiques toujours disposés à se modeler sur leur maître. Or, les maîtres, dans cette ferme plantureuse, avaient pris la douce habitude de laisser aller les choses du train qu'elles voulaient. Ils pensaient qu'avec de l'argent, point n'est besoin de prendre de la peine et de se rompre l'échine à besogner comme de simples manants. Bon pour les Merluchets de se lever dès avant l'aube, de songer sans cesse au lendemain et d'accumuler par un travail constant le blé et le seigle dans la grange, de crainte de la famine. Chez eux, le pain abondait toujours dans la huche, les celliers étaient toujours garnis, et qu'il plût, qu'il ventât, qu'il tombât de la grêle ou des rayons de soleil, leur escarcelle largement pourvue les garantissait contre la mauvaise fortune. Du moins, ils le croyaient. Mais une pareille imprévoyance court le risque d'acheminer les gens à leur ruine, et comme on le verra tout à l'heure, les Gros Claude eurent lieu de s'en repentir un jour. La belle mine de la maison était bien faite, à la vérité, pour leur tourner la tête. Vainement en auriez-vous cherché une plus jolie, plus séduisante pour l'œil et mieux aménagée. Il n'est personne qui, après l'avoir considérée un instant, n'eût souhaité y passer ses jours, tant elle offrait l'image des choses vraiment désirables. Tandis que l'habitation des Merluchets, lourde, monotone, peinte en jaune, avec un grand toit couleur sang de bœuf, se composait d'un unique bâtiment dont l'architecte avait même oublié de percer les fenêtres, la demeure des Gros Claude avait la forme d'un mignon chalet suisse, sous une ample toiture de chaume tressée que les mousses par places verdissaient. Un balcon en bois découpé à jour s'étendait sur toute la longueur de l'étage, abritant contre la pluie et le soleil le rez-de-chaussée, où les portes grandes ouvertes laissaient apercevoir les cuisines. Partout, les fenêtres étaient garnies de contrevents verts qui permettaient de mesurer l'air et la lumière dans les chambres, car les gros Claude n'aimaient pas être dérangés dans leur sommeil par une clarté trop brutale. Et une rampe d'escalier qui partait du pied de la maison conduisait au balcon, d'où la vue se prolongeait magnifique sur les prés fleuris et la ligne d'arbres frisés qui les clôturait à l'extrémité de l'exploitation. À la gauche du chalet, au haut d'une butte revêtue d'un manteau de verdure, il y avait en outre un délicieux petit pavillon percé de hautes fenêtres. On y arrivait par des degrés pratiqués dans la butte, et les murs extérieurs étaient tout tapissés de lierre. Peut-être était-ce du chèvrefeuille. L'artiste avait volontairement laissé subsister sur ce point un peu de confusion. Mais, lierre ou chèvrefeuille, le charme n'en était pas moins grand de penser qu'on pouvait goûter en ce frais réduit, par les midis brûlants de la canicule, les bénignes langueurs d'une sieste à l'ombre. J'allais oublier de vous dire que le chalet et le pavillon s'épaulaient contre une paroi de montagne, un grand bloc qui imitait à la perfection, vu d'un peu loin, les bosses moussues des rochers naturels. Même du vrai lichen avait été mêlé au plâtre pour donner mieux l'illusion de la réalité. Et certes, cette juxtaposition de la maison contre le roc avait bien son importance, puisque celui-ci la défendait contre les vents qui soufflaient chaque fois qu'un client ouvrait la porte de la boutique. On comprend donc qu'au sein d'un pareil bien-être, ayant sous la main tout ce qui peut faire paraître le bonheur éternel, les gros Claude se tinssent pour assurer contre les vicissitudes de la fortune. Quand enfin le fermier gros Claude et sa femme s'arrachaient aux douceurs du sommeil, la grosse boule de métal pendue à l'étalage et qui, chez Moustachol, servait de soleil, s'allumait déjà de vive clarté. Enfin, gros Claude descendait. On le voyait passer à travers la cour, gras et gros comme un fromage, avec son petit ventre bedonnant, ses mollets enfermés dans de hauts bas bleus, car il portait la culotte courte, comme les habitants de la forêt noire de laquelle il était originaire, lui et les siens. Son bonnet de loutre sur les oreilles et sa bonne face réjouie, où le nez, légèrement rougi par l'abus des repas copieux, ressemblait à une truffe. La joie de vivre se dégageait de toute sa corpulente et ragote personne. On sentait qu'il n'était pas homme à se faire de la bile pour les misères qui, même dans le bonheur, tourmentent encore les esprits inquiets. Jamais, du reste, on ne l'apercevait sans sa longue pipe recourbée. Elle semblait vissée à sa bouche, et la main dans laquelle reposait le fourreau avait l'air d'en caresser les contours. Gros Claude, en un mot, était le rire fait chair. Il riait en se levant, il riait en fumant, il riait en se couchant, et ce rire s'entendait à travers la maison comme la musique de sa bonne humeur naturelle. Madame Gros Claude, elle, partageait cette tendance à une gaieté invariable. Grasse comme son mari, en jupe rouge et corsage vert, elle avait ce qu'on appelle un physique agréable. Aimait par-dessus tout ses aises, et pour rien au monde n'eût mis la main aux besognes du ménage. Quant à Rose, c'était une ravissante jeune fille, d'un caractère un peu rêveur et dont les yeux, de grands yeux idéalement bleus qui s'harmonisaient avec ses pâles tresses blondes, paraissaient constamment suivre dans l'air le vol d'une idée, à moins toutefois qu'ils ne fussent tournés du côté de la ferme au Merluchet. On savait bien alors que c'était le grand Colas que ses beaux yeux cherchaient. Rose, elle l'était tout à la fois par l'éclat fleuri de son teint et par son charme qui lui donnait l'apparence d'une rose. Elle l'était en outre par la couleur d'un petit caraco qui tombait sur une jupe bleue frangée vers le bas d'une bande rouge. Ainsi faite, un prince charmant l'eût menée dans son palais tendu d'or et de velours pour en être la reine. Malheureusement, il n'y avait pas de prince charmant dans le magasin. Moustachol avait négligé de se pourvoir, cette année-là, d'un article qui, au prix où vont aujourd'hui les princes charmants, eût peut-être été difficile à placer. Ceux qu'il possédait étaient simplement imprimés sur papier et servaient à l'illustration des contes de fées dans un rayon à part, le rayon des albums et des livres à images. En revanche, non loin de la ferme des Gros-Claude, régnait, sur un petit territoire duquel les géographies ne font pas mention, un terrible seigneur. Toujours, on l'apercevait chassant la biche et le cerf, monté sur un cheval noir dont le galop furieux ébranlait les arbres de la forêt. Cette forêt, qui se composait d'au moins 10 arbres feuillagés en boucles de copeaux, sans qu'on pût dire à quelles essences ils appartenaient, faisait avec le pavillon de chasse, les 3 veneurs et une meute de 4 chiens, le principal ornement de la boîte où commandait en maître le redoutable chasseur. Il portait un juste au corps rouge, mais rouge comme du sang, avait de grandes bottes qui lui montaient presque jusqu'à la taille, et d'une main tenait une dague, tandis que de l'autre il maniait les brides de son coursier. D'où venait-il? Comment se nommait-il? Personne ne le savait. Mais aussitôt qu'il avait paru à l'étalage, il avait terriblement occupé l'attention des ambitieuses poupées, toutes affolées de titres et de grandeur. Les unes prétendaient que son éternelle chevauchée par monts et par vaux avait bien moins en vue la biche et le cerf qu'une certaine beauté dont il était épris. Et naturellement, celle-là se croyait toute cette beauté fameuse. Aussi passait-elle le temps à lancer du côté du farouche chasseur des œillades qui eussent apprivoisé un lion. En même temps, elle poussait des soupirs à fendre l'âme, et celle qui disait « papa-maman » par moments s'oubliait à parler tout haut pour mieux attirer son attention. Mais l'homme rouge ne daignait pas même tourner la tête. Sans trêve, il galopait à travers la forêt, suivi de sa meute et de ses veneurs. Jamais il ne quittait la selle, et avec ses longues moustaches, ses noirs sourcils froncés et ses yeux plus ténébreux que l'enfer, il avait plutôt l'air d'un démon que d'un homme. À la fin, rempli de dépit pour ce malappris qui répondait si peu à leurs avances, les poupées inventèrent une histoire. Sûrement, le chasseur rouge était Barbe Bleue, mais il avait coupé sa barbe pour n'être pas reconnu, et à présent, la colère du ciel l'obligeait, en punition du meurtre de ses 7 femmes, à toujours chevaucher, de l'aube à la nuit et de la nuit à l'aube, sans une seconde de répit, par la sombre forêt pleine de bêtes fauves. Or, il arriva qu'un matin, Moustachol, en rangeant son étalage, laissa tomber hors de la boîte le noble seigneur. À la vérité, celui-ci ne se fit pas grand mal, mais du coup, son cheval, cet effrayant cheval éternellement au galop, se cassa la jambe. Adieu, chasse, veneur forêt, adieu les meutes, adieu les grandeurs. En perdant son coursier, Barbaroux, c'était le nom que les polichinelles lui avaient donné par une vague analogie avec celui de la Barbe Bleue, perdait tous ses avantages. Il cessa de commander à son petit royaume, il cessa d'être la terreur des hôtes des forêts. Il ne fut plus qu'un pauvre chevalier errant, un chevalier de la triste figure, dont le piètre équipage amusait à présent la verve goguenarde de ses sacripants de polichinelle, d'instinct portés à se gausser du malheur d'autrui. Le hasard voulut qu'il tombât justement dans la ferme des Gros Claude. Plus d'une fois, dans l'ardeur de la chasse, il avait passé devant le joli chalet, mais sans ressentir autre chose qu'un dédain de grand seigneur pour un domaine de manants. Un de ses veneurs, homme artificieux et rusé, lui avait même persuadé que la métairie lui appartenait en vertu d'un droit lointain dont avaient joui ses ancêtres. N'eût-il eu aucun titre à se l'approprier, qu'encore il eût suffi qu'elle gênât sa chasse et bornât sa forêt. Ainsi raisonnait le perfide conseiller. Et peut-être un matin Barbarousse fut rué en maître avec ses chiens et sa suite sur la maison des Gros Claude, si un funeste accident ne lui avait enlevé d'un coup et son rang et son cheval. Alors l'homme rouge conçut un plan. Il avait remarqué la jolie rose au moment où elle montait au petit pavillon de la butte afin de mieux voir son cher Colas. D'autre part, il connaissait le renom de richesse qui s'attachait au Gros Claude dans la contrée. Eh bien, il demanderait la main de Rose avec l'appoint d'une grosse dot. Celle-ci lui permettrait de remonter son train de maison. Il tâcherait de reconquérir son royaume perdu en levant une armée, et s'il n'y pouvait parvenir, tout au moins serait-il en mesure d'acquérir un royaume nouveau. Quant à l'innocence de Rose, à sa grâce, à sa beauté, à peine le dur Barbarou y pensait-il. Elle n'était pour lui qu'un prétexte à remonter ses affaires. Une fois redevenu puissant, peut-être même la renverrait-il à ses parents, ou bien il l'abandonnerait au fond d'un vieux château dans quelque forêt lointaine. À la vérité, on fut allé loin avant de rencontrer pareil cœur de pierre. Ni Rose ni Colas ne se doutaient de l'orage qui planait sur leur tête. Le bonheur qu'ils goûtaient dans les rares moments où ils pouvaient s'envoyer de petits bonjours d'une métairie à l'autre était si grand qu'ils ne songeaient point à autre chose. Et ils espéraient bien que rien au monde ne le leur enlèverait. Ils comptaient sans la méchanceté du chasseur rouge et sans la vanité du père Gros Claude. Un jour, comme ce dernier se promenait, son éternelle pipe à la bouche, avec son air de bon vivant qui ne peut admettre qu'il y ait au monde des gens malheureux, il s'entendit tout à coup interpellé par une voix si puissante qu'il crut un instant que le tonnerre était tombé à ses pieds. Il tourna aussitôt la tête du côté d'où cette voix était partie, et ses yeux aperçurent derrière les bâtiments de la bergerie le redoutable gentilhomme échoué, les pieds pris dans les étriers, sous le corps de son grand cheval noir. « Or ça, brave homme, tirez-moi de ce pas !» disait le seigneur. Et bien qu'il s'efforçât de parler avec douceur, cette parole avait encore la brusquerie d'un commandement. Gros Claude eût pu se venger des dédains de son orgueilleux voisin en lui refusant son aide et en le laissant se dépêtrer comme il l'entendrait. Mais c'eût été mal connaître cet homme toujours joyeux que de lui attribuer même l'ombre d'une mauvaise pensée. Certes, comme la plupart de ses pareils, gâtés par une suite trop constante de bonheur, il ne manquait pas d'un certain fond d'égoïsme. Seulement, cet égoïsme n'allait pas jusqu'à le rendre insensible à l'infortune quand par hasard il s'en rencontrait sur sa route. D'ailleurs, il ne lui déplaisait pas qu'un prince, et quel prince, le maître redouté de ses meutes, que plus d'une fois de son balcon il avait vu s'engouffrer comme une tempête dans la forêt, eût besoin de ses services à lui, simple métayer. M'avez-vous entendu ? Reprit le chasseur, d'une voix qui à la fin perdait patience et manqua rendre sourd le père de la jolie rose. tout riche qu'il était, Gros Claude comprit qu'il était bien peu de chose à côté d'un homme qui avait le droit de parler avec une telle autorité. « Tout de suite, monseigneur, on y va » bégaya-t-il en perdant un instant cette jovialité qui ne le quittait jamais. Et il se mit à courir vers l'endroit où gisait Barbaroux aussi vite que le lui permettaient ses courtes jambes, encore alourdies par le poids de son gros ventre. « Écoute !» lui dit le chasseur en le tutoyant cette fois pour lui marquer de l'amitié. « Je suis venu à toi, moi le seigneur de toute la contrée que tu aperçois là-bas, aussi loin que peuvent aller tes regards, pour te demander ta fille en mariage. Accepte, et ta fille sera princesse comme je suis prince. Refuse, et je te jure une guerre à mort. » Certes, si la pipe n'avait pas été solidement fixée à sa bouche, Gros Claude l'eût laissé choir à ses pieds. Une pareille proposition, faite en de pareils termes, tout à la fois chatouillait son amour-propre et le remplissait de terreur. D'abord, il resta sans répondre. Les idées tourbillonnaient dans sa petite tête. Grosse en tout comme un des poids avec lesquels les artilleurs tiraient à boulets rouges les jours de manœuvre. Et il aurait bien voulu, avant de se prononcer, consulter sa femme qui, par malheur, s'était endormie debout et conséquemment ne pouvait se douter du terrible embarras où il se trouvait à cette heure. Brusquement, la voix de l'homme rouge éclata de nouveau. « Comment, maroufle ? Tu hésites ? Ignores-tu que, si je le voulais, je n'aurais qu'à dire un mot pour que ta ferme soit à moi après avoir été à mes ancêtres ?» Alors Gros Claude, terrifié, se décida à répondre. « Monseigneur, c'est bien de l'honneur pour nous. Il en sera fait selon votre bon plaisir. » Et comme la nature l'avait fait d'une extraordinaire égalité de caractère, en lui mettant un perpétuel rire dans ses joues grasses et rubicondes, tout de suite sa bonne humeur reparut. « Ma foi !» s'exclama-t-il, « j'aime mieux ça. J'ai toujours vécu en paix avec mes voisins, et il m'en cuirait trop de vous avoir pour ennemi. » « C'est bien parlé !» fit le seigneur. « Et maintenant, causons affaire. » Je te laisse ta ferme, tes poules, tes vaches, tes moutons et tout, à la condition que ta fille m'apporte en dot 3 fois son pesant d'or. Bah, répliqua Gros Claude, il m'en restera toujours encore assez pour vivre. Barbaroux regretta de n'en avoir pas demandé davantage. Mais comme il voulait se montrer bon prince, il daigna ne point insister. Et la noce fut fixée à 8 jours de là, c'est-à-dire à la veille de Noël qui, comme on sait, est, pour les jouets, avec le jour de l'an et la Saint-Nicolas, le plus grand jour de l'année. D'ailleurs, pour les préparatifs d'un tel mariage, un pareil délai n'était point trop long. Il fallait acheter le trousseau, inviter les amis, préparer le festin, et Gros Claude rêvait d'en donner un si magnifique qu'il demeurât à jamais dans la mémoire des convives. Il immolerait un bœuf, 3 moutons, toutes les oies de la basse-cour. De plus, 2 des arbres de la prairie flamberaient dans l'âtre. Et on mangerait dans de la vaisselle d'argent, la vaisselle d'un service qui faisait la joie des petites filles quand elles pénétraient avec leur maman chez Moustachol. Maintenant qu'il avait pris une décision, Gros Claude sentait son importance grandir à l'idée de la considération qui rejaillirait sur sa femme et lui une fois que leur fille serait princesse. Jamais semblable rêve ne lui eût paru réalisable, et Dieu sait pourtant si, dans sa vanité d'homme riche, il s'était laissé aller à des projets ambitieux. Mais rien n'était plus vrai. C'était bien un grand seigneur qu'il allait avoir pour gendre. Il allait s'allier à Barbaroux. Lui aussi, à son tour, allait enfin pouvoir trancher du gentilhomme. Madame Gros-Claude accueillit la nouvelle avec toute la joie dont son indolence était capable. Le regret de se séparer de sa chère Rose la tourmenta bien un peu, mais bientôt céda devant la fierté que sa fille eût été recherchée par un homme aussi considérable que Barbaroux. Ni l'un ni l'autre n'avait prévu que Rose pouvait penser autrement qu'eux dans une affaire où elle était plus directement intéressée que personne. Aussitôt que son père lui eut fait connaître sa volonté, les larmes lui coulèrent des yeux en si grande abondance qu'elles effacèrent en un instant l'incarnat de ses joues. « Quoi ? Il lui faudrait quitter la maison ? Renoncer à voir par-dessus la haie son grand ami ? Aller s'enfermer dans un morne château avec cet affreux chasseur rouge qui lui causait tant de peur chaque fois qu'il passait avec ses chiens et ses veneurs ?» Cependant, comme elle aimait ses parents et leur avait toujours obéi, elle finit par accepter son sort avec résignation. Mais plus rien ne put lui rendre ses belles couleurs, et toute pâle, elle attendit l'arrivée du triste jour. Le bruit du mariage s'était rapidement répandu dans les alentours. Un trompette des hussards, qui, du haut de son cheval, claironnait les nouvelles importantes, avait bien voulu, cette fois encore, jouer le rôle de la renommée, laquelle, comme nul de vous ne l'ignore, fut de temps immémorial représentée en bouchant un porte-voix. Ce fut pour les bavardes poupées l'occasion d'innombrables gorges chaudes. Maintenant que Barbaroux leur échappait décidément, elles l'accablaient de leurs sarcasmes. À les entendre, jamais elles n'auraient condescendu à prendre un mari aussi laid, aussi grossier, aussi méchant, et qui sûrement devait faire de ces femmes de la chair à pâté. Elles plaignaient fort aussi la pauvre Rose, indignement sacrifiée par ses parents aux appétits de l'ogre. Le moins qu'il pouvait lui arriver était d'être précipité au fond d'un puits ou livré en pâture à la meute des chiens dévorants qui accompagnaient partout Barbaroux. Même à force de parler de ces fameux chiens, elles arrivèrent à se persuader que leur maître ne les nourrissait pas autrement que de chair humaine, mais comme celle-ci manquait quelquefois, il leur faisait manger alors ses propres femmes. Naturellement, Colas, un des premiers, avait été averti par la rumeur publique. Son chagrin fut si profond qu'il pensa à s'enrôler parmi un corps d'infanterie qui, justement, se mettait en marche pour aller combattre les Arabes, de grands Arabes à tête de singe et revêtus de longs burnous flottants et qui, depuis quelque temps, pillaient les boutiques d'épicerie et les minoteries des environs. Il pria même un charretier qui cheminait avec son attelage du côté de la caserne de porter sa requête au chef du bataillon. Or, il se trouva que la troupe était au complet et qu'il n'était plus possible d'y accepter personne. Alors il eut la pensée d'aller s'offrir vivant à un crocodile articulé qui, au moindre mouvement, remuait la tête et la croupe, ses formidables mâchoires toujours ouvertes et prêtes à broyer quiconque s'en approcherait. La vue de la jolie Rose tout à coup apparue à l'une des fenêtres du petit observatoire bâti sur la butte l'arracha à sa funeste résolution. Combien elle était changée! Les couleurs aurorales qui lui avaient valu son nom à présent faisaient place à une blancheur maladive, et c'est à peine si ses yeux, lavés par d'incessants flots de larmes, gardaient encore quelque chose de leur primitif azur. Morne, découragée, elle montrait dans toute sa personne une telle affliction que Colas sentit l'impérieux besoin de la réconforter en affectant un courage qu'au fond il était loin d'avoir. Il eût volontiers fait en ce moment le sacrifice d'un de ses membres pour pouvoir échanger quelques mots avec elle. Mais ils étaient trop éloignés l'un de l'autre, et en outre, un petit moulin s'étant mis à tourner, le vent de ses ailes eut emporté au large ses paroles. En abaissant autour de lui les yeux, il aperçut une souris mécanique à laquelle Moustachol venait précisément de donner un tour de clé et qui allait si vite qu'en moins d'une heure, si on l'avait laissée aller, elle eût fait sans aucun doute plusieurs fois le tour du monde. « Souris, mamie, dis-moi, veux-tu te charger d'un message pour la pauvre rose qui pleure et soupire là-bas ?» lui demanda Cola. La souris répondit par un léger cri qu'il prit pour une acceptation. Et aussitôt il lui mit entre les dents un petit papier avec lequel la bestiole repartit toujours courant dans la direction du pavillon. La souris mit une extraordinaire diligence à s'acquitter de son office de messagère. Il parut même à Cola que, de loin, elle tournait vers lui la tête comme pour lui dire d'avoir confiance. Et la pensée lui vint que ce pouvait être une fée qui, touchée de leur malheur, s'était métamorphosée en ce petit animal. Ce que Cola mandait à Rose tenait en moins de deux lignes. Il lui offrait d'aller combattre l'homme rouge si, comme il le supposait, celle-ci l'épousait contre son gré. Mais pour rien au monde, Rose, la douce créature, n'eût voulu exposer les jours de son ami, et de loin, avec une pantomime animée, elle lui fit comprendre qu'elle préférait accepter sa destinée. Cependant, les gros Claude activaient les apprêts du grand jour. Une grosse araignée qui silencieusement filait sa toile dans un coin avait été chargée par eux de tisser la robe de la mariée, une robe de fil d'argent parsemée d'ailes de mouche. C'était une habile ouvrière, plus qu'aucune autre experte en son métier. Et d'en bas, on pouvait la voir, toute noire au milieu de ses réseaux, déroulant ses bobines et lissant ses tissus, clairs comme de la dentelle. En outre, ils s'étaient entendus avec un cuisinier du voisinage, le maître d'une rôtisserie qui, debout près de ses fourneaux, en tablier blanc et veste blanche, la barrette en tête, faisait le geste, toujours le même, d'inviter le monde à goûter de sa cuisine. Enfin, ils avaient obtenu d'une délicieuse poupée, installée dans un petit salon, qu'elle arriverait au repas et, pour en rehausser la magnificence, ferait venir par la diligence, une grande diligence attelée de deux chevaux gris pommelés qui servaient au transport, là où ne circulait pas encore le chemin de fer, les trois fauteuils, le canapé et la table en noyer poli dont se rehaussait son mobilier. Rien ne paraissait trop beau ni trop coûteux au gros Claude pour célébrer dignement ce grand événement. Cinq fois déjà la chauve-souris d'Étoupe qui, en dépliant ses ailes, épaississait la nuit au-dessus de la métairie, avait ramené les ténèbres, et pourtant il se désolait de la lenteur du temps. Toute autre préoccupation oubliée, il laissait la ferme et le ménage aller leur train. Les domestiques n'étant plus surveillés, maintenant négligeaient de rentrer le bétail. Celui-ci, des jours entiers, errait à l'abandon. Et un soir, on s'aperçut que deux vaches, trois porcs et le paon avaient disparu, sans qu'on pût dire comment. Au contraire, chez les Merluchet, l'ordre et l'économie régnaient plus sévèrement que jamais. Un peu plus cassé après les travaux de l'arrière-saison, le père redoublait de zèle et d'efforts pour assurer aux siens la subsistance pendant l'hiver. Déjà les premières neiges étaient tombées. Quand la porte de Moustachol s'ouvrait, des flocons tourbillonnaient jusque sur l'étalage, et les poupées, les polichinelles, tous les jolis jouets pour qui la vie est une succession de plaisirs, s'amusaient à les voir voltiger comme la promesse des joies qu'allait amener pour eux Noël et le jour des étrennes. Mais lui, le sombre paysan, obligé de batailler sans trêve contre les éléments, il eût plutôt tenté de s'irriter de leur gaieté irréfléchie. Il savait par expérience combien l'hiver est inclément aux taupes, aux grillons, aux oiseaux, aux campagnols, à tout ce qui, bêtes et gens, vit et se nourrit de la terre. Et il pensait à la famine perpétuellement en suspens sur la tête du laboureur. À ses autres inquiétudes s'ajoutait encore à présent l'ennui de voir son fils dépérir. Colla, en effet, n'était plus que le fantôme du beau gars qu'il était autrefois. Pendant des heures, il demeurait muet, les yeux perdus devant lui, ne mangeant plus et ne dormant plus, sans que rien pût le tirer de sa peine. À la fin, sérieusement alarmé, son père fit venir l'astrologue. Un grand escogriffe au chapeau pointu, des besicles sur le nez, une longue barbe blanche au menton, lequel passait pour lire dans les étoiles, conjurer les maléfices et guérir les maux des hommes. Cet étonnant personnage, que les uns appelaient nécromant et les autres sorciers ou médecins ou astrologues, et qui, en réalité, était tout cela à la fois, portait une longue robe noire constellée d'étoiles et de demi-lunes, pareil au drap d'un catafalque. Il tenait en outre à la main une baguette qui lui servait à tracer des cercles en l'air et dont les malins prétendaient qu'il eût mieux fait de battre ses vêtements, tant ceux-ci étaient sales et poudreux. Prechi Precha, tel était le nom de ce grand docteur, s'en vint donc à la ferme un matin, commanda à Colla de tirer la langue, lui tâta le pouls et finalement déclara que le garçon était malade d'un mal singulier qui s'appelait le mal de l'homme rouge. Vous jugez de l'étonnement des pauvres parents qui s'entendaient peu à ce charabia. Mais Colla, soupçonnant que le savant astrologue avait deviné son secret, s'écria qu'il avait raison et que c'était bien de ce mal-là qu'il dépérissait. Alors, Prechi Precha alla au puits de la maison, cracha trois fois dedans et, après avoir regardé les ronds qui s'étaient dessinés sur l'eau, déclara qu'avant 3 fois 24 heures, le malade serait guéri et qu'il n'y paraîtrait plus. Ces paroles rendirent le courage à Colla. Il espéra que le ciel aurait pitié de son malheur et il attendit avec patience les événements. Un matin, comme il se dépêchait de quitter la maison pour se rendre au champ avec le vieux Merluchet, son père, il entendit une grande rumeur s'élever de la métairie des Gros Claudes. D'abord, ses yeux eurent quelques difficultés à percer l'obscurité qui enveloppait encore ce coin de la boutique. Le coucou n'avait point encore sonné la demi-heure après 6 heures. Il s'en fallait d'une vingtaine de minutes pour que Moustachol vînt ouvrir comme d'habitude les volets. Cependant, dans le petit jour blanchâtre qui commençait à poindre, il finit par distinguer une large mare d'eau où de moment en moment s'enfonçait un peu plus la ferme de son riche voisin. Sans doute une des vitres mal emboîtées dans son mastic, ou peut-être fêlée, avait laissé passer la pluie qui maintenant succédait à la neige. Et le flot descendait, menaçant de tout entraîner. Déjà l'inondation gagnait le pied du chalet. Les troupeaux que les domestiques avaient négligé de rentrer étaient emportés par le courant. 2 arbres avaient été renversés, les étables, la bergerie, tout s'immergeait. Aussitôt, Colla se précipita dans un des petits bateaux à vapeur que Moustachol avait tout nouvellement mis à la montre. Mais, comme il en connaissait mal la manœuvre, il ne parvint pas à le mettre en mouvement. D'ailleurs, le désastre avait pris des proportions telles qu'il n'était plus possible de rien sauver. Et Colla se désespérait, tendait les bras vers la pauvre Rose qui, avec le père et la mère Gros-Claude, heureusement était parvenu à gagner le pavillon en haut de la butte. Là, du moins, le danger était moins pressant. En se laissant couler le long du rocher, on pouvait leur venir en aide. Du moins, Colas le supposait. Mais il avait compté sans les cataractes d'eau qui toujours s'abattaient plus effrayantes. Tout à coup, le chalet s'éboula comme une miche de pain trempé, et quelques minutes après, la butte à son tour s'effondra, précipitant toute la famille Gros-Claude dans le vide. Dans son épouvante, Colas ferma les yeux. C'en était fait de sa chair rose. Sans doute elle avait trouvé la mort dans le torrent. Quand enfin il osa regarder, il vit que les Gros-Claude et leurs filles avaient été jetés tous les trois près des barrières de la bergerie, dans la propre ferme de son père. Courir jusqu'à eux, les relever, les introduire dans la maison fut pour lui l'affaire d'un instant. Mais Gros-Claude ne pouvait se consoler de la ruine de sa belle métairie. À présent, il était plus pauvre que Merluchet lui-même. Son or avait été emporté avec les vaches et les autres animaux, et les larmes qu'il versait risquaient d'effacer tout à fait les belles couleurs de sa veste. Pour comble de malheur, il avait perdu sa pipe que l'eau avait décollée de sa bouche. Et peut-être le chagrin de cette perte lui paraissait-il encore plus sensible que tout le reste. Merluchet, le rude et farouche paysan, eut alors comme un sourire devant cette détresse qui mettait une fin si brusque aux longues prospérités de son riche voisin. Combien Gros-Claude regrettait maintenant sa sotte imprévoyance. S'il avait surveillé davantage sa ferme, la catastrophe ne serait pas arrivée. Mais il n'avait jamais songé qu'à jouir du temps présent sans songer au lendemain. Et il était puni pour ne s'être pas prémuni contre les retours de la fortune. Pauvre Gros-Claude! Du coup, il lui fallait renoncer à son rêve de gentilhommerie. À Volo, avec ses bêtes, ses arbres et ses trésors, s'en allaient ses orgueilleuses espérances. Barbaroux ne voudrait pas d'un homme ruiné pour son beau-père, et il s'arrachait les cheveux en criant « Ah, Barbaroux, Barbaroux, 3 jours plus tard, vous eussiez été mon gendre, la noce aurait eu lieu, et Rose serait princesse, tandis qu'à présent, nous n'avons plus même une pierre où reposer notre tête. Et si Moustachol, notre bon Dieu, ne nous vient en aide, nous sommes exposés à devoir errer le long des chemins en mendiant notre pain. Ah, Barbaroux, Monseigneur Barbaroux !» Peut-être, en criant si fort, espérait-il que le chasseur rouge l'aurait entendu. Mais rien ne répondit à ses plaintes que l'écho là-bas, derrière le moulin hanté. Et l'écho ricana « Barou, barou, ou !» Merluchet, sous ses rudes apparences, était un brave cœur. Il le fit bien voir en cette occasion. Comme Gros-Claude continuait à se lamenter, il lui offrit l'hospitalité de sa maison. « Entre pauvres gens, dit-il, on se doit service. Quand il y a du pain pour 3, il y en a pour 6. Mangez donc à votre faim et buvez à votre soif. Vous nous quitterez sitôt que luiront des jours meilleurs. » « Ah ! S'écria alors Gros-Claude, je m'aperçois trop tard combien je vous ai méconnu, voisin. Le malheur en nous frappant nous oblige à ouvrir enfin les yeux. » Et le pauvre diable, après avoir pleuré des larmes amères, se laissait aller à pleurer des larmes de reconnaissance, si douces que le chien de la ferme, qui avait profité de l'émotion générale pour se couler jusque-là, les léchait à mesure qu'elles tombaient de ses yeux. En ce moment, la porte du fond s'ouvrit et Moustachol parut dans la boutique. À peine eut-il fait un pas qu'il se rendit compte des ravages que l'eau avait causés parmi ses jouets. il se hâta de monter sur une échelle et de boucher la fêlure du carreau, puis il tâcha de réparer les dégâts. De la magnifique métairie des gros Claude, il ne restait plus rien qu'une pâte de carton tournée à la bouillie. Le chalet s'était fondu, les étables aussi, et aucun artifice n'était possible pour réparer d'aussi meurtrières avaries. Moustachol poussa un soupir, car il perdait là 15 beaux francs, tira à lui les débris de la boîte, et tout à coup s'aperçut que la famille Gros-Claude, sans qu'il pût savoir comment, avait passé dans la ferme des Merluchets. Ce fut un pénible moment pour Rose et Cola. Moustachol n'aurait eu qu'à étendre la main pour les séparer à jamais. Mais un sourire plissa les joues du marchand, et ils l'entendirent murmurer. « Ma foi, puisqu'ils sont là, qu'ils y restent, j'y gagnerai de vendre la boîte 7 francs au lieu de 5, et ainsi je rentrerai dans une partie de l'argent que m'a fait perdre ce maudit déluge. » Cette parole était le salut pour les gros Claude. Ils bénirent la Providence qui, sous les traits de Moustachol, leur assurait un abri chez leurs anciens voisins. Et presque en même temps, par un phénomène auquel personne ne comprit rien, sauf le bon Cola, tout ragaillardi lui aussi, le délicat vermillon qui avait disparu des joues de Rose se ralluma sur son visage et lui rendit cette couleur de la jeunesse et du bonheur, sans laquelle Rose était toujours une rose, mais une rose languissante et demi-fanée. Moustachol, en habile compère, s'entendait à retaper ses jouets, quand par aventure il leur arrivait quelques méchefs. En un tour de main, il eut remis sur pied une dizaine de petits cavaliers de bois que l'eau avait renversés, rafistolé les parures de 3 poupées légèrement éraillées et rajusté la jambe du cheval de Barbaroux. À la vue de l'inondation qui entraînait les trésors du père Gros-Claude, le terrible seigneur avait juré si effroyablement qu'un loup en train de se faufiler dans une bergerie avait détalé à toutes jambes, croyant que le toit s'écroulait sur lui. Décidément, la malchance s'acharnait. À moins d'un hasard, il ne rentrerait plus en possession de la forêt de ses pères. Qui sait, un autre peut-être conduirait l'émeute court la biche et le cerf. Tandis qu'il raisonnait ainsi, avec d'affreux grincements de dents, Moustachol le tira de la condition misérable où il végétait et, ayant réparé l'accident survenu à son cheval, il les remit l'un et l'autre dans leur boîte. Aussitôt le méchant petit homme rouge, sans songer seulement à remercier la main secourable qui s'était tendue vers lui, se lança à travers les arbres en vrai cavalier du diable qu'il était. Cependant la grosse araignée, ayant cessé de filer la belle robe de noces, se dépêchait de rapporter la commande au gros Claude. Un instant, elle demeura suspendue à son fil, regardant avec effarement la disparition du joli chalet. Mais Cola lui fit signe de descendre dans la ferme de son père, et comme elle étalait le fin tissu, toute fière de son ouvrage, en le déployant du bout de ses pattes crochues devant les parents de Rose, émerveillés en même temps qu'interdits, ceux-ci de nouveau se lamentèrent. Qu'est-ce qu'ils feraient de cette robe somptueuse? Et qui maintenant voudrait encore de leur fille dans l'état de misère où elle se trouvait réduite? Cola alors alla prendre Rose par la main et la conduisant à son père, lui demanda la permission de se mettre en ménage avec elle. Ce fut une scène délicieuse. Un instant, le sévère Merluchet demeura sans rien dire, les sourcils froncés comme s'il n'approuvait pas le choix de son fils. Le silence était si grand qu'on entendit frissonner l'aile d'un moucheron dans la trame légère de la robe. Et les gros Claude étaient pris d'un tremblement dans l'attente de ce qui allait se passer. À la fin, le vieux Merluchet parla. il consentait, mais à la condition que sa bru, en entrant dans sa maison, renoncerait à l'oisiveté qu'elle avait connue chez son père et deviendrait une bonne et vaillante femme de ménage, mettant la main à toutes choses et tenant la maison en bel ordre. Et sa voix ressemblait à celle d'un patriarche. Le mariage eut lieu à quelques jours de là, et Rose put enfin porter, dans la joie de son cœur, cette belle robe dont la seule pensée auparavant lui causait des supplices. Il y eut de folles rumeurs dans le camp des poupées quand on la vit s'avancer au bras de Cola, jolie comme une fée dans l'éclat de cette radieuse toilette. Mère Luchet aurait voulu un simple jupon de futaine, mais on lui persuada que les filles, à présent, ne se mariaient plus comme au temps où lui-même avait épousé sa femme. Et il finit par céder, en considération de l'ancienne splendeur des gros Claude. Ceux-ci avaient pris des arrangements avec Dame Araignée, elle leur accordait du crédit, et ils ne désespéraient pas de la régler, capital et intérêt, en travaillant comme allaient travailler leurs filles. Naturellement, il ne fut plus question du petit cuisinier en tablier blanc, ni des meubles que la grande dame avait promis d'envoyer par la diligence. La noce se fit simplement. On s'entendit avec un traiteur qui apporta de la vaisselle en fer blanc, mit cuire à la broche une couple de gigots et servit par-dessus le marché un excellent fricandeau. Toute la cuisine tenait dans une boîte de 40 sous, moyennant lesquels les estomacs se gorgèrent abondamment et la gaieté ne cessa de régner parmi les convives. Et vers la fin du repas, une grande surprise leur arriva à tous. Soudainement, on vit apparaître une petite souris noire qui fit plusieurs fois le tour de la chambre, puis s'arrêta devant Rose et lui dit « Rose, tu as mérité d'être heureuse. Cola et toi, vous vivrez très vieux et vous aurez beaucoup d'enfants. » Cola reconnut dans la bestiole celle-là même qui s'était chargée de son message, et il ne douta plus que ce fût une bonne fée. « Coucou, coucou !» fit ensuite l'horloge, et les coqs chantèrent. C'était l'aube de Noël qui se levait par-dessus les jouets. Mère Luchet quitta la table pour voir si les étables étaient en ordre, et les gros Claude, fatigués d'une si longue veille, allèrent savourer dans leur lit leur bonheur enfin revenu. Il faut vous dire que, la veille, Moustachol avait recollé la pipe du père de Rose.